بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 125 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Et on est rendu maintenant à l'explication de tout ce qui a rapport avec les karamates des awliya, c'est-à-dire les prodiges que font les hommes pieux et les serviteurs rapprochés d'Allah. Et on expliquait au dernier cours que on a donné plusieurs exemples. Depuis les quelques derniers cours qu'on a fait, on a donné beaucoup d'exemples des différentes karamates qui se sont produits de la part des gens qui sont rapprochés d'Allah, qui adorent Allah beaucoup, et ainsi de suite. Et on a donné des exemples de l'époque. Ben, avant ça, même, on a donné des exemples d'avant l'islam, c'est-à-dire des différents prophètes précédents, et de qu'est-ce qui est arrivé, par exemple, avec Mariam et avec les gens de la caverne, et ainsi de suite. Ça, c'est des exemples de karamat. On a donné les exemples des karamates de l'époque des Sahaba, on a donné des karamates des tabi'in, on a donné des karamates des hommes pieux qui sont venus après les tabi'in aussi. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il termine donc cette explication, cette énumération des différentes karamates des awliya en disant, il dit « Wa amma ma na'rifuhu an a'yanin wa na'rifuhu fi hadha az-zaman fa kathirun » Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ce qu'on connaît, hein, ce que nous connaissons de ça, c'est-à-dire des différentes karamates des gens et des individus à notre époque, c'est-à-dire il parle de son époque à lui, Ibn Taymiyyah, alors il dit il y en a beaucoup. Il connaît des gens de son époque qui avaient ce genre de karamates. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, Al-Sheikh Yaqul, ذكر ما روي ثم أخبر أنه هو شاهد شيئا كثيرا من هذه الكرامات في زمانه رآها عيانا فلا مجال للتشكيك فيها. C'est-à-dire qu'il explique que le cheikh, il explique qu'il a mentionné des différentes narrations de qu'est-ce qui a été rapporté comme karamat. Puis ensuite, il explique qu'il a été lui-même témoin de beaucoup de karamates à son époque et il les a vus, hein, lui-même. Donc, il n'y a pas de place pour le doute dans ces choses-là. Ensuite, il dit, oui, Ibn Taymiyyah, il explique qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan disait à ce sujet-là. Oui, c'est ça. Cheikh Al-Fawzan explique ce que Cheikh Ibn Taymiyyah disait à ce sujet. Donc peut-être je me suis trompé, j'ai inversé l'affaire. Ok. Ensuite, Ibn Taymiyyah dit وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفْ أَنَّ الْكَرَامَاتِ قَدْ تَكُونُ بِحَسَبِ حَاجَةِ الرَّجُلِ فَإِذَا احْتَاجَ إِلَيْهَا الضَّعِيفُ الْإِيمَانِ أَوْ الْمُحْتَاجِ أَتَاهُ مِنْهَا مَا يُقَوِّي إِيمَانَهُ وَيَسُدُّ حَاجَتَهُ وَيَكُونُ من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك. Ça, c'est un point très important à comprendre. Écoutez bien qu'est-ce que le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit. Il dit qu'il est important de savoir que les prodiges, les karamates, elles viennent selon le besoin de la personne. Ok? Il dit selon le besoin de la personne par rapport à la faiblesse qu'il a dans sa foi ou de qu'est-ce qu'il a de besoin pour renforcer sa foi ou pour, faire en sorte qu'il n'ait plus ce besoin-là. Donc ça veut dire quoi? Pardon. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il sent que un serviteur, il a la foi, mais peut-être que dans sa foi, il y a un peu de faiblesse ou il a besoin d'être raffermi ou d'être renforcé dans sa foi, il lui donne des karamates. Il va lui permettre de faire certaines karamates pour augmenter sa foi ou pour le raffermir dans sa foi. Et le cheikh, il dit que c'est possible que des gens qui ont un rapprochement plus grand à Allah n'ont aucun besoin ou ne fassent aucune karamate. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un fasse des karamates, ça ne veut pas dire que son niveau de foi est plus élevé que d'autres. Donc, c'est pour cette raison-là que tu vas trouver que, par exemple, certains parmi les grands sahaba n'ont fait aucune karamate. Tandis que des tabi'in et des tabi'in qui sont venus 2 siècles après, peut-être, qui étaient moins savants qu'eux et moins pieux qu'eux et qui ont fait des karamates. Alors, il y a certains égarés ou certaines personnes qui ont une faiblesse dans la compréhension ou un manque de compréhension ou qui sont parfois des gens qui sont déviés même. Ils vont utiliser ça comme un argument pour justifier que ceux qui font des karamates sont meilleurs que ceux qui n'en font pas et sont plus pieux que ceux qui n'en font pas. Et ça, c'est une erreur et c'est faux. Quelqu'un qui ne fait aucune karamate peut être beaucoup plus pieux qu'une personne qui a des karamates. Et c'est ça que le cheikh Ibn Taymiyyah est en train d'expliquer ici. Donc, cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire là-dessus et il dit: Al-karamat, hadhihi innama tahduthu li ahadi amrayn. Imma li hajatin min illa li hajati man tajri ala yadihi bi an yakuna dha'ifu al-iman fa tuqawi imanahu billah. أو يكون محتاجا إلى طعام أو شراب أو دابة يحمل عليها أو إلى أن يقوي الله على العبادة أن يقويه الله على العبادة فهي إما لحاجة إيمانية أو حاجة إنسانية يحتاجها الإنسان أو تكون لحاجة في الدين بأن تؤيد ما يقوله بأن تؤيد ما يقوله ذلك العالم أو ذلك الولي ف يعني تظهره على خصومه ومثل هذا ما حصل للمؤلف نفسه المؤلف رحمه الله ضايقه الناس كلهم ضايقه الناس كلهم وضيقه السلاطين وسجنوه وحبسوه ولم يستطيعوا منعه من مزاولة نشر العلم والدعوة إلى الله ولم يستطيعوا بعد موته أن يمنعوا أثر هذه أو أثره أن يمنعوا أثره الذي امتد على العالم الإسلامي إلى اليوم وهذا من كرامات الأولياء بلا شك. Donc on va traduire cette partie-là. Cheikh Al-Fawzan, il explique que les karamates, elles peuvent arriver pour deux raisons. Il dit soit que c'est parce que la personne qui fait les karamates ou chez qui se produisent les karamates, cette personne-là, elle-même, elle a une faiblesse dans la foi. Et Allah veut, par cette karama, renforcer sa foi. Ou parce que la personne, elle a un besoin de nourriture. Ou elle a besoin de boire. Ou elle a besoin d'une monture pour le porter. Hein? Ou bien elle a besoin que Allah subhanahu wa ta'ala le renforce dans l'adoration. Ou bien elle a un besoin quelconque par rapport à la foi ou bien un besoin quelconque par rapport aux besoins humains. Et donc, ça peut être un besoin dans les choses de la dunya ou bien un besoin dans les choses de la religion. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala va y en est supporté aussi parfois quelqu'un comme un savant ou un wali pour lui donner le dessus et lui donner la victoire sur son opposant ou sur son ennemi, comme c'est arrivé par exemple à l'auteur lui-même. L'auteur, on parle de Ibn Taymiyyah. L'auteur, il a été embêté par beaucoup de gens. Et beaucoup de gens ont voulu lui faire des problèmes, Ibn Taymiyyah, à son époque. Il avait beaucoup d'ennemis et beaucoup de gens le détestaient parce qu'il, justement, il défendait la vérité, il défendait le tawhid, il défendait la sunna. Et donc, par conséquent, il a eu des problèmes même avec certains dirigeants qui étaient justement en alliance avec les innovateurs et les gens de bid'a. Ils l'ont emprisonné à cause de ça, hein? Ils l'ont enfermé à cause de ça. Et malgré qu'ils l'ont enfermé, emprisonné, ils n'ont pas été capables de faire stopper la propagation de la science qu'il a propagée. Et ils n'ont pas non plus été capables d'arrêter sa da'wa. Et ils n'ont pas été capables, même après sa mort non plus, d'arrêter l'impact et l'effet qu'a eu sa da'wa à travers le monde musulman jusqu'à aujourd'hui. Donc le cheikh Al-Fawzan, il dit ça, il n'y a pas de doute que ça fait partie des karamat des awliya. Après, le cheikh, il dit « Wa kadhalika al-imam Ahmad ma jara alayhi fi waqt al-ma'mun wa man ja'a ba'dahu min ad-darb wal-ihanati was-sijn wa thabata wa fi an-nihayati adhharahu Allah wa khazala a'da'ahu wa hadha min karamat awliya' Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha min izhar al-hujjati وما يجري لأئمة الدين من الانتصار على خصومهم هذا من إظهار الحجة في الدين. Donc le cheikh, il dit, de même que l'imam Ahmad ibn Hanbal, et ce qui lui est arrivé à l'époque de Al-Ma'moun, le khalifa, et ce qui est arrivé après également, du fait qu'il a été frappé, qu'il a été dénigré, il a été emprisonné, et malgré tout ça, il est resté ferme jusqu'à la fin. Et Allah subhanahu wa ta'ala finalement lui a donné le dessus. À la fin, il lui a donné le dessus sur ceux qui s'étaient opposés à lui, et il a humilié ses ennemis et ses opposants. Et le cheikh, il dit que ça fait partie des karamat des awliya, hein, les karamat des awliya d'Allah, et ça fait partie du fait d'exposer et de montrer clairement la vérité et les preuves, d'établir et donner la victoire aux preuves. Et c'est souvent ce qui arrive justement aux imams dans la religion, et que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la victoire sur leurs opposants. Ça fait partie du fait de laisser paraître et de montrer l'argument supérieur de la religion. Après, le cheikh, il dit ensuite, وَهَذَا سُؤَالٌ قَدْ يَرِدْ أَوْ هُوَ وَارِدْ بِالْفِعْلِ وَهُوَ هَلْ لَا بُدَّ أَنَّ الْوَلِي تَجْرِ عَلَى يَدِهِ كَرَامَاتِ. لَا لَيْسَ بِلَازِمْ إِذَا لَمْ تَجْرِ عَلَى يَدِهِ كَرَامَةٌ فَلَا يَدُلُّ هَذَا عَلَى نَقْصٍ على نقص ولايته فهناك من أولياء الله من هم سادات الأولياء ولا يجري لهم كرامات لقوة إيمانهم ولأنهم ليسوا بحاجة إليها وقد تجري الكرامات لمن هو دونهم في الإيمان لحكمة من الله فلا يقال إنه لا يكون الولي إلا بشرط أن تجري على يده كرامة وهذا إنما يقوله الخرافيون والمبتدعة أما أهل السنة فيقولون ليس من لازم الولاية لله أن تجري على يد الولي كرامة. Donc on va traduire jusqu'ici. Le cheikh, il explique qu'il y a une question qui pourrait être posée, et effectivement elle a été posée, cette question. Et c'est-à-dire que, est-ce que c'est nécessaire, ou est-ce que c'est, yani, est-ce que il faut absolument que, pour que quelqu'un soit un wali, il fasse des karamas, ou il fasse des karamates. C'est-à-dire que s'il fait pas de karamat, il sera pas un wali. Et le cheikh il dit non, c'est pas une condition, c'est pas nécessaire pour que quelqu'un soit un wali qu'il puisse faire des karamat. Et il dit, si quelqu'un il n'a pas de karama du tout, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un wali, et ça ne veut pas dire qu'il est un wali plus faible ou moins proche d'Allah qu'un autre. Il dit, et la preuve de ça, c'est qu'il y a des awliya d'Allah qui sont parmi les têtes des awliya, parmi les plus importants des rapprochés d'Allah, parmi les serviteurs. Et il n'y a eu aucune karama qui s'est produite de leurs mains. Et le cheikh, il dit, et ça ne veut pas dire que ils sont plus faibles dans leur wilaya et qu'ils sont moins forts que les autres parmi les awliya d'Allah. Il dit qu'il y en a d'autres parmi les awliya d'Allah, donc c'est ça qui sont des très grands awliya, mais ils n'ont pas fait de karamat. Pourquoi? Parce que leur foi elle est déjà forte et donc ils n'ont pas besoin d'avoir ce genre de karamat pour augmenter leur foi. D'accord? Leur foi, elle est déjà forte. Et il dit, donc, ils n'ont pas besoin d'avoir recours ou ils n'ont pas eu besoin d'avoir justement à faire ce genre de karamat où Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas besoin avec eux de faire en sorte qu'ils puissent faire des karamat pour augmenter leur foi parce que leur foi est déjà là. Et c'est possible que des gens qui soient plus faibles que eux en foi puissent avoir des karamates alors que leur foi est plus faible pour une sagesse, à cause d'une sagesse que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Il a fait en sorte que ces gens-là puissent faire des karamates aussi, même s'ils sont plus faibles dans leur foi que d'autres qui, eux, n'ont pas de karamates. Et donc, on ne doit pas dire quelqu'un ne peut pas être un wali excepté à condition d'avoir fait une karama, ou qu'il y ait yani, une karama qui se produise dans sa main ou de sa part. Ce n'est pas une condition. Ceux qui disent ce genre de choses et qui exigent ou qui mettent comme condition pour que quelqu'un soit un wali, ils disent qu'il faut absolument qu'il fasse des karamates. Ceux qui disent ça, c'est les mubtadi'a, les gens de bid'a et les superstitieux, les gens de la superstition et du mensonge. Tandis que les gens de la sunna, eux, ils disent non, ce n'est pas une condition pour que quelqu'un soit un wali d'Allah que des karamats se produisent de sa part. Donc ça, c'est extrêmement important de le faire comprendre. Et c'est justement une des raisons pour laquelle beaucoup de soufis et beaucoup d'égarés sont tombés dans le sihr et les charlatanismes. Pour vouloir prouver aux gens qu'ils sont des awliya, parce que pour les soufis, si tu fais pas de karamat, t'es pas un wali. À cause de leur égarement et de l'ignorance qu'ils ont, ils ont imposé ça comme condition. Et par conséquent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser les djinns pour les aider à faire des tours de magie pour faire croire aux gens que ça c'est des karamat. Vous voyez le shaitan, comment il les a égarés? Donc c'est ça que le cheikh explique ici. Et il dit fayanbaghi an ya'rifa hadha al-amr ou an yu'rafa hadha al-amr fal karamat innama tajri li ahadi amrayn imma li hujjatin fi ad-din wa imma li hajatin lil muslimin fa idha lam yakun hunaka haja wa la hujja fa innaha la tajri ولا يكون هذا نقصا في ولاية في ولاية ولي الله سبحانه وتعالى ثم OK donc ce point le cheikh il explique, il résume en fait tout ce qu'il vient de dire. Il dit que il faut savoir donc cette chose-là, que les karamates peuvent se produire pour deux raisons. La première raison, c'est pour établir une preuve dans la religion, Et la deuxième raison, c'est parce qu'il y a un besoin chez les musulmans pour ça. Si il n'y a pas de besoin, et si on n'a pas besoin d'établir une preuve dans la religion, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de karamat qui se produit. Pour la personne concernée, il n'y aura pas de karamat. Et ça ne veut pas dire que la personne, elle a une défaillance ou un manque ou une faiblesse dans le fait d'être un wali d'Allah par rapport à d'autres. Le cheikh, il dit ensuite, « Thumma aydan » ثم أيضا ابن القيم رحمه الله يقول ليس لأولياء الله علامات يعرفون بها فقد يكون وليا لله ومن خواص الأولياء وهو لا يعرف كما قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره فلا يلزم من ولي الله أن يكون له مظهر وأن يكون حوله هالة من الناس وأن يروج له دعاية كما يحصل عند الخرافيين أبدا ولي الله يختفي ولا يعرف وليس له علامة ولا ملابس ولا يكون له هالة من حوله ودعاية ولا يكون له جاه مدفوع بالأبواب يعني ما يكون له جاه عند الناس فليس من شرط ولي الله أن يكون له علامة يعرف بها قد يكون خفيا لا يعرف وقد يكون رث الهيئة يعني أشعث أغبر ليس من شرط أن يكون عليه ملابس فاخرة وأكمام واسعة وعمامة ضخمة ليس هذا من شرط أولياء الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يعرف هذا الأصل لئلا يستغله الخرافيون لخرافتهم وكل من يدعي أنه ولي لله ويضعون له من الدعايات حيا وميتا والهالات الشيء الكثير من أولياء الله من يموت وهو لم يعرف من أولياء الله من يعيش ويموت وهو لم يعرف. Ça c'est un autre point important aussi. Le cheikh dit que Ibn al-Qayyim il dit également que les awliya d'Allah, ils n'ont pas un signe particulier par lequel on peut les reconnaître. D'accord? Donc, si tu vois quelqu'un là, parmi les musulmans, il n'y a pas de signe distinctif ou spécifique pour dire qu'un tel est un wali et un autre il ne l'est pas. D'accord? Il n'y a pas de signe extérieur qui le distingue des autres musulmans. Et il dit, le cheikh, que c'est possible même que quelqu'un soit parmi les élus et les serviteurs d'Allah élus et très rapprochés et qu'il ne soit pas connu des gens. C'est-à-dire, personne ne le connaît. Ce n'est pas une personne célèbre. Ce n'est pas une personne connue. Ce n'est pas une personne que les gens savent son nom ou savent qui il est. Non. Mais pourtant, c'est un wali d'Allah. Hein? Il est pieux, il craint Allah, il fait qu'est-ce qu'il a à faire. Il a la foi en Allah. Et c'est un wali d'Allah. Pourtant, il est modeste, il est simple, et personne ne le connaît. Et le cheikh, il dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith qu'on a déjà mentionné, Rubba ash'ath, مدفوعٌ بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est possible qu'une personne soit d'une apparence négligée, hein, et que quand il se présente à la porte de quelqu'un, on le repousse. مدفوعٌ بالأبواب, c'est-à-dire c'est pas une personne qui a un statut qui est important ou qui est respectée par les gens. S'il frappe à la porte de quelqu'un, on va lui dire va-t'en. Hein? Pourquoi? Parce que c'est pas une personne qui a une apparence importante. C'est pas quelqu'un qui a des beaux vêtements, une belle apparence et qui a l'air riche ou importante. Non, c'est une personne modeste et simple. Elle est négligée même dans son apparence un peu. Et elle est repoussée à la porte quand il frappe. Et il dit, pourtant, s'il jure par Allah, hein, que Allah va faire quelque chose, Allah va l'exaucer. Il va faire en sorte que cette chose se fasse. Hein. Pourquoi? Parce que c'est une personne pieuse. Donc Allah va l'honorer de cette façon. Quand il jure par Allah de quelque chose, Allah fait en sorte que cette chose se fasse. Donc ça veut dire, le cheikh il dit ça ne veut pas, ça veut dire donc que le wali d'Allah, il n'a pas une apparence particulière. Il n'a pas un signe particulier ou un halo, hein, comme un cercle autour de sa tête quand il marche. Ou comme certaines personnes qui disent, ah, j'ai vu le nour dans son visage, j'ai vu la lumière dans son visage. Il n'y a pas de signe spécifique pour distinguer le wali. Dans le sens que il y a des signes pour distinguer qui n'est pas un wali, mais il n'y a pas un signe pour distinguer qui est un wali parmi les croyants, ou qui est plus un wali qu'un autre. Excepté la piété extérieure, la piété en général, le fait que quelqu'un obéisse à Allah et s'écarte des péchés. D'accord? Le cheikh, il dit, yani, c'est pas non plus nécessaire que les gens lui fassent de la publicité et qu'il ait une certaine renommée ou une réputation et que les gens le connaissent et ainsi de suite. Contrairement à ce qui se passe chez les soufis, par exemple, parmi les khurafiyin, hein, qui croient en toutes sortes de superstitions et qui pensent qu'il faut que leur wali soit connu de tout le monde et que yani, c'est lui qui doit être une référence et que s'il rentre quelque part, il peut rentrer chez les présidents, les dirigeants, ils rentrent chez eux, leurs portes s'ouvrent pour eux, ils sont respectés, honorés quand ils vont quelque part, on leur donne la première place. Ils s'assoient toujours au premier rang et on leur donne toujours l'honneur, le respect partout où ils vont. On déroule le tapis rouge pour eux. Ils voyagent en première classe. Ils disent ça pourquoi? Parce que ça, ils disent ça, c'est des awliya. Et ça n'a rien à voir. Il dit, le cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, le wali d'Allah, au contraire, il est caché. Et il se cache. Il cache ses œuvres. Même s'il a des karamates, il cache qu'il a des karamates. Il veut pas que les gens sachent. Il veut pas que les gens le connaissent pour ça. Hein? Parce que il veut pas être connu. Il veut pas être célèbre. Il veut pas avoir une célébrité chez les gens. Contrairement à ce que les gens font aujourd'hui. Les gens aujourd'hui qui s'exhibent et qui s'exposent en train de faire des adorations, en train de faire des prières, en train de faire des doigts. Les gens, ils se mettent en scène même des fois. Ils font des mises en scène en train de faire le soujoud et ils demandent à quelqu'un, prends ma photo pendant que je fais le soujoud. Prends ma photo pendant que je fais le doigt. Prends ma photo pendant que je fais la salat. Prends ma photo pendant que je fais ça. Il y en a d'autres qui vont se mettre en vidéo même. Ils mettent ça sur YouTube après. Il y en a pendant la salat. Ils sont en train de faire la salat. Ils récitent le Coran dans la salat. Et ils ont la caméra fixée en plein sur leur visage pendant qu'ils sont en train de réciter. Moi, je me dis, mais où est-ce qu'elle est la concentration de cette personne alors qu'il est en train de prier, la caméra en plein milieu de son visage? Et puis il est en train de fermer les yeux, puis il monte comme s'il est en train de se concentrer, puis qu'il est yani, subhanallah. C'est ça là. Ça détruit complètement la sincérité d'une personne. Même des gens qui font des émissions ou des vidéos de religion et ils parlent devant la caméra. Et ils parlent comme s'il était en train de parler à la caméra. C'est-à-dire, il regarde l'objectif. Et il parle à la caméra comme si la caméra c'était une personne. Et c'est comme un acteur en réalité. Hein? Alors que tu vois les ulama, eux, quand ils parlent de religion, si jamais on les a filmés, par exemple, dans des émissions de religion, comme Cheikh Al-Fawzan, par exemple, combien de fois il fait des émissions comme ça? C'est rare, tu vas peut-être jamais le voir regarder la caméra. Regarde jamais la caméra. Il regarde quoi? Il regarde la personne à qui il parle, ou bien il regarde par terre. Il baisse la tête, il parle, et très, très, très modeste. C'est pas un acteur. C'est un alim, c'est un savant. C'est pas quelqu'un comme s'il est en train de faire une mise en scène et de se mettre en rôle pour montrer qu'il a une belle apparence, ou il parle bien, ou des choses comme ça. Non, pas du tout. Lui, il vient, on lui pose des questions, il répond, et ça s'arrête là. C'est fini. Hein? Il fait ça pour Allah, et il n'est pas là pour se faire remarquer, se faire voir, se faire aimer, ou quoi que ce soit d'autre. C'est l'ilm et la transmission du ilm, et ça s'arrête là. Aujourd'hui, les gens, ils veulent du cinéma. Hein? Même dans la religion, parfois, certains, ils font du cinéma avec ça. A'ouzoubillah. Donc ça, c'est très, très, très mauvais. Et le cheikh, il explique donc que les awliya d'Allah, ils se cachent. Ils sont pas connus. Ils n'ont pas de signes distinctifs. Ils n'ont pas de vêtements spécifiques. Contrairement à ce que tu vois chez les soufis, hein. Eux, leur cheikh, il a un vêtement spécifique. Même que les soufis eux-mêmes, dans la tariqa, ils ont un vêtement spécifique. En fait, chaque tariqa a ses vêtements spécifiques et même des couleurs spécifiques selon les degrés des gens dans la tariqa. Si tu es de tel degré, tu vas porter telle couleur. Si tu es d'un autre degré, tu portes une autre couleur. Si tu as un autre degré, ton turban il va être de telle couleur. Si tu es par exemple, de telle tariqa, tu vas mettre des vêtements de telle façon, de telle sorte. Ton chapeau, il va être de telle forme. Tout ça, c'est des exemples de bid'a qu'on retrouve chez les soufis. Naam. Non, je connais pas la signification de ces différentes couleurs, sauf que c'est juste une chose, il y en a qu'on remarque chez eux. Et qu'il faut juste faire attention justement pour pas penser, pour savoir que ça c'est des choses contraires à la sunna. Parce que beaucoup de gens ils rentrent dans ce genre de trucs et puis ils s'égarent à cause de ça. Il y a certaines tariqas, leur turban il est vert. D'autres turuq, ils vont porter des turbans rouges. D'autres, selon le truc. Il y en a d'autres qui ont d'autres chapeaux de différentes formes. Et puis toutes les gens de cette tariqa, ils s'habillent tous comme ça. Donc c'est comme s'ils veulent se distinguer des autres musulmans. Pour dire, nous, on n'est pas des musulmans comme les autres, on est des musulmans de telle tariqa. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fait ça avec les sahaba. C'est-à-dire que les sahaba, ils n'avaient pas tous la même façon de s'habiller. Chacun s'habillait comme il voulait, selon que du moment que c'est des vêtements qui respectent les règles de la charia, ils portaient les vêtements qu'ils voulaient. Et en même temps aussi, certains portaient des vêtements de tel pays, d'autres de tel pays. Si c'était des vêtements qui viennent de telle origine ou de telle origine, c'est pas grave. Du moment qu'ils portent des vêtements qui sont en accord avec la charia et qui respectent les règles. J'ai trouvé une tariqa sur Internet. Cette tariqa, Allah Musta'an, qu'est-ce qu'ils font? Ils portent des vêtements sur eux. C'est comme si on dirait ils ont coupé des carrés de différentes couleurs, puis ils les ont cousus ensemble. Ça m'a fait rire parce que ma grand-mère, quand j'étais petit, elle faisait des couvertures. Elle faisait des couvertures, puis elle faisait les couvertures avec des carrés de différentes couleurs aussi, multicolores comme ça. Et elle fabriquait une couverture pour chaque membre de la famille. Puis à la fin de l'année, elle donnait en cadeau à chaque membre de la famille la couverture avec les carrés et les différentes couleurs. Donc, moi, j'avais justement une couverture de cette multicolore comme ça. Et ça m'a fait rire quand j'ai vu ces gens-là habillés comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Hein? Ils sont en train de porter les couvertures de ma grand-mère. Donc, à la Kullihal, c'est pour dire, yani, toutes les gens qui sont dans cette tariqa, ils sont tous habillés avec ce costume-là. Ouais, tariqa soufi, hein. Puis tu les vois dans leurs trucs, ils sont tous assemblés. Et ils se filment sur Internet. Ils se mettent des vidéos sur Internet en train de faire le dhikr. Si tu fais le dhikr pour Allah, c'est quoi le but de te filmer pour faire ça? Tu es en train de faire le dhikr pour qui? Et puis les danses aussi qu'ils font, tout ça c'est des bid'ahs. Tout ça, ce qu'ils font, c'est des bid'ahs. Mais en plus, ils se filment. Mais où est-ce qu'il est l'intérêt de se filmer? Hein? C'est comme si tu te lèves pour faire Qiyam al-Layl, tu vas te filmer quand tu fais le Qiyam al-Layl? Tu vas mettre ça sur YouTube pour montrer aux gens, regardez, moi je fais Qiyam al-Layl? Ça fait aucun sens. Il y en a par. Non, c'est parce que parmi les Ikhwan, et même les fondateurs des Ikhwan, il y avait beaucoup de soufis. Même le fondateur des Ikhwan, Hassan al-Banna, lui-même était soufi. Il était dans une tariqa qui s'appelle la tariqa al-Hisafiyya al-Shadhiliyya. Donc, c'est une des touroukhs qui existe en Égypte. Et il y en a plein en Égypte, des touroukhs. Il y a des centaines et des centaines de touroukhs soufis en Égypte. Et il y a beaucoup de tasawwuf en Égypte. Même des touroukhs depuis très longtemps qu'elles existent là-bas. Et même, il y a des tombes qui sont adorées en dehors d'Allah. Des gens vont faire des pèlerinages à ces tombes. Ils les adorent en dehors d'Allah. Et parfois même, il y a des millions de personnes qui vont chaque année dans ces endroits-là. Et il y en a la même chose aussi en Syrie, au Liban, en Irak, en Iran, partout. En Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Inde, en Asie, partout il y a ces choses-là, malheureusement. À la Kullihal, le cheikh, il continue, il dit donc que. Il y en a qui pensent que pour que quelqu'un soit un wali, donc il faut qu'il ait des gens qui soient tous autour de lui. Quand il marche, il est toujours entouré de gens. Les gens font des masses autour de eux. Non, ça, ce n'est pas une condition. Au contraire, même le wali, c'est possible même quand il vient frapper chez quelqu'un, hein, les gens le repoussent. Eh, va-t'en toi. Hein, qu'est-ce que tu viens faire ici? Donc, ça veut dire qu'il n'a pas de respect ou de position auprès des gens. Et ce n'est pas une condition qu'il soit respecté ou qu'il ait une renommée. Et le cheikh, il dit donc que c'est aussi, il dit, ce n'est pas une condition que la personne ait un signe distinctif par lequel il sera reconnu. Comme si, par exemple, une marque de prosternation prononcée ou bien un éclat de lumière dans son visage quand tu le regardes ou des gens comme ça. Yani, subhanallah. Donc ça, il y a des gens qui pensent ça. Et il y en a qui photoshopent même leurs photos sur Internet comme ça, de leur chair. Ils mettent comme de la blancheur ou de la lumière autour de leur visage pour faire croire aux gens qu'ils ont une lumière particulière. Ils n'ont pas non plus besoin d'avoir une position spécifique ou bien des choses comme ça. Même le prophète sallam, il a décrit qu'ils étaient. Yani, leurs cheveux sont pas peignés ou bien leurs vêtements, il y a de la poussière dessus et ils n'ont pas des vêtements de riches, hein, des vêtements luxueux ou hein, parce que dans certaines toroq soufia, le cheikh il porte des vêtements, c'est les riches qui portent ça seulement, avec des manches très larges, hein. Et puis avec un grand turban sur sa tête. Bon, l'établir à la base, le fondateur de Jamaat Tablir, il était un soufi lui-même. Mohamed Elias Al-Kandahlaoui, qui était de la Tariqa Jistiya. Il est d'une Tariqa qu'on appelle la Tariqa Al-Jistiya. Et c'est une Tariqa qui est quelque part en Inde. Et il y en a un petit peu peut-être ailleurs. Et il a fait une allégeance à quatre tariqas soufia, hein, al-Sahrawardiyya, al-Jistiyya, al-Naqshbandiyya, al-Shadhiliyya. Les quatre touroukhs avec lesquels il a fait une allégeance. Et le but même de Jamaat Tabligh, c'était justement de faire la propagation du soufisme dans le monde musulman. Même s'ils ne se présentent pas comme étant des soufis, mais ils ont l'intention de le propager et ils ont l'intention aussi d'encourager les gens à suivre cette voie-là. Et ça, malheureusement, on l'a vu plusieurs formes. Parce que eux, il y a aussi un autre groupe qui font la même chose que Jamaat Tabligh, mais c'est pas Jamaat Tabligh, c'est parce que Jamaat Tabligh, le fondateur, c'était un soufi, mais il fait partie d'une école en Inde qui s'appelle, c'est le truc là, comment ça s'appelle? Parce que il y a les Brelouia, puis il y a l'autre école, celle qu'on appelle des Diobandia, c'est ça. Il fait partie de l'école des Diobandia. Et c'est justement la compétition qu'il y a entre ces deux groupes-là en Inde. Donc les Brelouia, eux, ils portent le turban vert. Hein? Puis, ouais. Et puis les Diobandia, eux, des fois ils portent des turbans verts, des fois ils portent d'autres couleurs aussi. Mais c'est tout à la base, là, c'est des soufis qui font ça. Et le cheikh, il dit, donc, que c'est pas nécessaire qu'il ait un grand turban, qu'il ait des grands vêtements. Donc, pour être un wali d'Allah, c'est pas une condition d'avoir ça. Même que le wali, à la base, il n'est même pas connu, peut-être. En même temps, aussi, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est un wali va pas être connu du tout. Peut-être qu'il va être connu aussi. Mais l'important de comprendre, c'est que c'est pas une condition qu'il soit connu. C'est-à-dire, le wali, il peut être connu, mais s'il n'est pas connu, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas wali. C'est ça que ça veut, c'est ça que ça signifie. Il dit, donc il faut savoir ça, pourquoi? Parce que il y a des fois des gens superstitieux qui essaient d'utiliser ce genre de choses pour faire la propagation de leurs égarements en faisant justement, en faisant croire aux gens ce genre de choses, en leur disant, le wali, il doit être comme ça, il doit être comme ça, il doit être comme ça. Puis si quelqu'un n'est pas comme ça, c'est pas un wali. Donc, notre cheikh, c'est un wali parce qu'il est comme ça. Hein? On va dire, notre cheikh, il est connu, regardez comment il est, il fait ci, il fait ça. Hein? C'est un wali. Alors que ça n'a rien à voir. Ensuite, il dit donc que le wali, c'est possible qu'il meure et qu'il n'a jamais été connu. Et qu'il vive et qu'il n'a jamais été connu non plus. Donc, Cheikh Ibn Taymiyyah, elle dit ensuite, فَلَا يَأْتِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ لِعُلُوِّ دَرَجَتِهِ وَغِنَاهُ عَنْهَا لَا لِنَقْصِ وِلَايَتِهِ. Et نعم. Donc, Ibn Taymiyyah, elle dit donc que la personne qui est plus pieuse, elle va peut-être pas avoir de karamat à cause de son degré élevé et du fait qu'elle n'en a pas besoin. Et non pas parce qu'elle a une faiblesse dans la wilaya qu'il a. Donc, ce n'est pas parce qu'il est un wali plus faible qu'il n'a pas de karamat. Et le cheikh Al-Fawzan, il commente là-dessus, il dit, « فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ لَا تَجْرِي عَلَى يَدِهِ الْكَرَامَةِ يَكُونُ نَاقِصَ الْوِلَايَةِ » Et نعم. يكون ناقص الولاية لله بل قد يكون كامل الولاية ولا تجري على يده كرامة لأنه مستغن عنها. Donc il dit que c'est pas toute personne qui ne fait pas de karamat, que ça veut dire que il est faible dans sa wilaya, qu'il est un wali plus faible. Hein? Ça veut pas dire ça. C'est possible qu'il soit un wali qui est complet dans sa soumission et dans sa foi en Allah et qu'il n'ait aucune karamate parce qu'il n'en a aucun besoin. Après, le cheikh il dit ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة. Donc Ibn Taymiyyah, il dit que la preuve, c'est que chez les tabi'in, il y a eu plus de karamates qui ont été rapportées que chez les sahaba. Alors que les sahaba sont meilleurs que les tabi'in. D'accord? Donc si on déterminait que quelqu'un est un wali par rapport aux karamates qu'il fait, alors dans ce cas-là, on pourrait penser que les tabi'in sont plus des awliya que les sahaba. Or ça, c'est faux. Hein? Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, ولأنه لا يشترط في كمال الإيمان وقوة الإيمان وجود الكرامة كانت هذه الكرامات في التابعين ومن جاء بعدهم أكثر منها في الصحابة لأن الصحابة لا يحتاجون إليها لفضلهم ومكانتهم وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit que parce que ce n'est pas une condition pour que quelqu'un soit complet dans sa foi et dans la force de sa foi, qu'il fasse des miracles ou des karamates. La preuve, c'est que chez les tabi'in, il y a eu plus de karamates qui ont été rapportées que chez les sahaba. Alors que les tabi'in viennent après les sahaba. Pourquoi? Parce que les sahaba, eux, n'ont pas eu besoin de ça. À cause de leur mérite, de leur statut et du fait qu'ils ont été les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas eu besoin de karamat. بخلاف ما يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة. Donc, le cheikh, il dit, contrairement à ceux qui, donc Ibn Taymiyyah, il dit, contrairement à ceux qui ont eu des karamates, hein, qui ont fait des choses comme ça qui sont extraordinaires, et c'était pour but soit de guider les gens, hein, d'être une cause pour guider les gens, ou parce qu'eux-mêmes en avaient besoin. Hein, alors que, yani, eux-mêmes en avaient besoin. Donc les sahaba sont plus élevés, hein, sont plus élevés en degré que les tabi'in. Ouais, donc c'est ça. Il dit al-huda, hein, huda al-khalq, يعني لحجة في الدين أو لحاجتهم. فهؤلاء الذين لم تجري على أيديهم كرامة أعظم درجة. Donc, ceux qui n'ont pas fait de karamat parmi les awliya, peut-être qu'ils sont encore meilleurs que ceux qui ont fait des karamat. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas eu besoin d'arguments dans la religion, ni besoin de ça pour guider les gens. Ils n'ont pas eu besoin de ça. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ils sont en plus haut degré que ceux qui ont fait des karamat. Et ça, c'est la réalité, surtout par rapport aux sahaba par exemple. Donc là, on a terminé avec ce sujet là et on va rentrer maintenant dans un autre point. Il faut que je m'arrête ici absolument parce que c'est un sujet qui demande beaucoup d'explications, qu'est-ce qui suit, et qui est détaillé par le cheikh. Donc si je continue là, ça va être ça va couper l'explication. Donc, je veux qu'on laisse ça pour la semaine prochaine. Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.